بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا درسنا 47 من المولد العذب الزلال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. سي نوتخ 47e كور autour de la source délicieuse et abondante de son éminence الشيخ النجمي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فيما ينقل عن فيما نقل عن الشيخ تويجري رحمه الله الجميع، وقال أيضا ومما ذكره بعض العلماء عن التبليغيين أيضا، أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من المدينة إلى الحناكية، وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو هو هو، فأمسكه فترك الحركة وسكت. وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغ، وقال له بغضب شديد أنت صرت وهابيا، والله لو لي من الأمر شيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا. الحمد لله الذي لم يجعل لك من الأمر شيء. دونك Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, de nous rapporter ce passage du livre de Qawl al-Baligh de Cheikh Twijri, rahimahullah ta'ala, jami'an il dit. Il a dit aussi, certains hommes de science ont dit des tablighiens qu'un homme parmi les demandeurs de science est sorti avec eux à Médine. Et de Médine, ils sont partis vers l'Hinakia. Et l'émir qui avait sur ce groupe, c'était l'émir de Jama'at Tabligh, donc de la ville de Médine. Ils sont partis à l'Hinakia. Et durant la nuit, ce demandeur de science a vu un hindou sauter, en disant « hu, hu, hu », les invocations de Sophia. Et il l'a attaché. Et cet hindou s'est calmé et s'est tu. Le lendemain matin, ce demandeur de science a annoncé la scène à l'émir de ce groupe. Il lui a dit ce qu'a fait cet hindou pendant la nuit. Et l'émir, au lieu d'éduquer l'hindou, il a blâmé le demandeur de science. Il a blâmé le demandeur de science. Il a fait tout à fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Et il a réprimandé le demandeur de science dans le fait qu'il a arrêté le tbliri et qu'il a nkar al tbliri. Et cet émir a dit avec une forte colère à ce demandeur de science, tu es devenu wahhabi, a'oudou billah. Et il a dit, regardez cette parole, par Allah, si j'avais une situation, si j'avais le pouvoir, j'aurais brûlé tous les livres d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim, d'Ibn Abd al-Wahhab, j'aurais rien laissé de ces livres sur terre. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné aucun pouvoir. Regardez un peu, sachez qu'ils n'aiment pas blâmer le mal. Le mal pour eux, le fait d'être dans l'innovation, etc. Il faut laisser les gens dans l'innovation. Il faut laisser les gens faire n'importe quoi du moment qu'ils grossissent les rangs d'Yel Jama'a. فَفَارَقَهُمْ طَالِبُ الْعِلْمِ حِينَ سَمِعَ مِنْهُ هَذَا الْكَلَامِ السَّيِّ لأنه عرف عداوتهم لأهل العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وعرف محاربتهم لكتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات والتحذير منها ومن أهلها. Donc, et ce demandeur de science, hein, quand il a entendu ces paroles, ces mauvaises paroles, il a su à ce moment-là qu'il était dans un groupe qui n'est pas les hommes de science, qui avait la haine contre la science et contre les gens de science, qui avait la haine contre les monothéistes et contre les défenseurs de la sunna. Et il a su à ce moment-là quelle guerre faisait ce groupe au livre de la sunna et aux gens de la sunna, et quelle guerre faisaient ces gens au livre qui propageait la sunna, qui propageait le monothéisme, qui appelait vers le monothéisme et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, et qui interdit l'associationnisme et qui interdit aussi les innovations et les histoires à dormir debout et toutes les formes d'égarement et toutes les formes de blâmable, et qui avertissent contre les gens du blâmable et contre les gens de l'innovation. إلى أن قال ومن أوراد التبليغيين أيضا دلائل الخيرات ذكر ذلك بعض العلماء وفي هذا الكتاب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوع ما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم وذكر بعض العلماء عن التبليغيين أنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمى بالبرضة وبالقصيدة الهمزية وفيهما من الشرك والغلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد. Donc jusqu'à ce qu'il a dit, c'est-à-dire dans le livre de Cheikh Toujri, il fait partie des dhikr, l'aurad chez les tablighin, Dalail al-Khairat. Dalail al-Khairat, c'est un livre, c'est un recueil d'invocations, ce qu'il faut dire, etc. Plein. Et on le trouve, c'est presque toutes les sectes soufis, on le trouve en Afrique du Nord et un petit peu partout. Et il nous rapporte d'hommes de science, de chez eux, de l'Inde, que dans ce livre, il y a l'associationnisme, il y a le fait d'aller dans les extrêmes, dans la vénération des hommes. Il y a des hadiths inventés, des hadiths inventés mensongères qui ne sont pas, qui sont connus de tous ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, pour tous ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la lumière du cœur et la lumière de la science. Et il a rapporté de certains savants d'Yel Tablighin qu'il s'occupe beaucoup et qu'il donne de l'importance à cette poésie qu'on appelle le Borda et le Hamziya. Et dans ces poésies-là, il y a l'associationnisme, il y a le fait, hein, il y a le fait d'aller aux extrêmes, ce qui est connu des hommes de science et des gens qui accomplissent le monothéisme et les monothéistes. وهنا في الحاشية للشيخ محمد بن هادي المدخلي يقول بل سئل الشيخ خليل أحمد سهران فوري وهو من كبار رؤوس التبليغيين وعلمائهم ما قولكم في تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة دلائل الخيرات والأوراد. Et voici maintenant ce que nous rapporte Mohamed bin Hadi al-Madkhali à la marge de ce livre de Cheikh al-Najmi de son Cheikh rahmatullahi alayh. Il dit la question a été posée à Khalil Ahmed Sahran Fouri, qui est l'une des grandes têtes d'Yel Tablighiyin. Il fait partie des hommes de science d'Yel Tablighiyin en Inde. Dit, la question qui lui a été posée, qu'est-ce que vous dites sur le fait de faire beaucoup de prières sur le prophète et de lire Dalail al-Khairat et les autres wird, c'est-à-dire les wird donnés par les voix soufis. Fa'ajab, ay saharan fouri, yustahabbu indana taktiru salati ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa min arja ta'at, وأحب المندوبات سواء كان ذلك بقراءة الدلائل والأوراد الصلواتية المؤلفة في ذلك أو بغيرها وكان شيخنا العلامة الكنكوهي يقرأ الدلائل وكذلك المشايخ الآخرون من ساداتنا وقد كتب في إرشاداته مولانا ومرشدنا قطب العالم حضرة الحاج إمداد الله قدس سره العزيز وأمر أصحابه بأن يجربوه وكانوا يروون الدلائل رواية وكان يجيز أصحابه بالدلائل مولانا الكنكوهي رحمة الله عليه انتهى من كتاب المهند على المفند صفحة 41 السؤال السابع محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى. Donc la réponse va venir fracassante. ce grand cheikh, et ce grand savant, et cette grande tête d'Yel Tbilighin qui est Saharan Fouri, a dit qu'il est préférable de faire beaucoup de prières sur le prophète. Et c'est l'une des obéissances dans laquelle on espère. On espère donc la récompense. Et c'est quelque chose qu'il faut faire beaucoup. Soit en lisant dans Dala'il, c'est-à-dire dans ce livre plein d'innovation, qui est Dala'il Khairat, soit en lisant les dhikr qui ont été inventés au niveau des prières sur le prophète par les grands mashaïrs ou autres. Et il a dit notre shir, l'éminence, le kankouhi, l'izid Dala'il. Vous voyez, leur tête s'occupait de ce livre, dans lequel il y a des hadiths inventés, des innovations de l'associationnisme. Et il dit aussi, et aussi les autres mashaïrs, parmi nos nobles. Et il a dit que leur pivot, le pivot du monde, et leur guide, Mawlahum, Hadrat al-Hajj Imdad Allah, a écrit dans ses orientations, et il a ordonné à ses disciples de le tester. Et il dit, il se transmettait Dala'il. Il laisse la transmettre quand on se transmet le hadith chez les hommes du hadith. Il disait, il donnait l'autorisation à ses disciples avec Dala'il. Les hommes de science du hadith donnent l'autorisation pour les livres d'Yel Sunna Hadou, ils donnent l'autorisation pour les livres de l'innovation. Et il dit que leur seigneur, le Kankouhi, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, que c'est leur seigneur, le Kankouhi Hada, que c'est lui qui donne les autorisations pour Dala'il à ses disciples, pour qu'ils puissent l'enseigner et qu'ils puissent le donner à leurs disciples aussi. Ceci est rapporté du livre Al-Muhannad ala Al-Mufannad, page 41, la question numéro 7, est rapportée par Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. يقول الشيخ النجمي رحمه الله تعالى والقصيدتان كذلك مما نقله الشيخ محمد بن هادي المدخلي ما قاله الشيخ حسين أحمد المدني وهو ديوبندي تبليغي محترق خرافي منحرف يقول هذا المنحرف إن الوهابية الخبيثة ترى أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة دلائل الخيرات وقصيدة البرضة وقصيدة الهمزية وغيرها وجعلها وردا أمر قبيح جدا كما أنهم يعدون بعض أبيات قصيدة البرضة شركا كبيت يا أشرف الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي يهو قاعدي من تنوس كنودي. Ce que nous rapporte Cheikh Mohamed Nadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Il dit, il ressemble à tout ça, comme quoi les hommes de science, que Tablighin, ils ont la haine contre les hommes de science. Il dit, cette parole rapportée par Hussein, dite par Hussein Ahmed al-Madani, et c'est un Diobandi, Tablighi, c'est un Tablighi jusqu'au fond de son sang, allumé. C'est un illuminé d'Yel Tablighi. Et il a dit, le Wahhabia c'est impureté. Le Wahhabia c'est impureté. Voit que le fait de faire la prière sur le prophète alayhi salatu wasalam et de lire Dala'il Khairat, il Borda, il Hamziya et autres, que ceci est mauvais. Comme il considère certains vers, donc Qasidat al-Borda de l'associationnisme, comme ce vers qui est de l'associationnisme. Où le mec, dans ce poème, il appelle le prophète alayhi salatu wasalam, ô noble parmi la créature, qui, à part toi, chez quel je vais me réfugier? Il parle du prophète, alayhi salatu wasalam. Quand il m'arrive des catastrophes, il parle du prophète, alayhi salatu wasalam. Il dit, ô noble créature, je n'ai personne que toi vers lequel je vais me réfugier quand il m'arrive des catastrophes. Regardez cette nullité, et regardez comment il mélange le faux et le mal. Il dit que le Wahhabia disent qu'il ne faut pas faire les prières sur le prophète, alayhi salatu wasalam. Qui parmi, par Allah, Qui parmi les gens qui font le plus de prières sur le prophète, ce sont les gens du hadith. Et Cheikh Mohamed le Hab, ceux-là, ils comprennent rien à rien. Il a un livre, un résumé de la vie du prophète, alayhi salatu wasalam. Il a plein de recueils d'Yel Hadith, dans lesquels il fait beaucoup de prières sur le prophète, alayhi salatu wasalam. Mais seulement, ce qu'il blâme, ce sont les formules innovées. Les formules innovées par ses mashaïrs et Dalaïl Khairat, c'est plein d'innovations, plein d'histoires à dormir debout, plein de hadiths blâmables. Il faut. Qasidat al-Bourda, il est plein de vers dans lesquels il y a l'associationnisme, comme celui que vous avez entendu. Il en est de même pour l'Hamziya. Hein? Et malheureusement, cette Qasidat al-Bourda, l'Hamziya, Dalaïl Khairat, ils sont monnaie courante en Afrique du Nord. Et surtout en ce moment, vers qu'on va arriver la nuit du destin, hein? La lecture de ces Dalaïl Khairat et de ces Qasidat al-Bourda, vas-y dans les mosquées et dans les sectes et dans les sanctuaires, etc. ويقول هذا التبليغ المحترق واما مشايخنا الاجلاء فكانوا يمنحون اتباعهم وثائق لقراءة دلائل الخيرات وغيرها ويأمرونهم بالإكثار من قراءتها ومن الصلاة والسلام على النبي عليه السلام. وقد كان الشيخ الكنكوهي والشيخ النوتوي رحمة الله عليهما يقرآن دلائل الخيرات كما أنهما منح الإجازة لقراءتها لآلاف من أتباعهما. انتهى من الشهاب الثاقب صفحة 66 بواسطة كتاب الديوبندية. فانظر إلى الضلال المبين في محاربة أهل التوحيد ووصفهم بأخبث الأوصاف وتولي أهل الشرك والخرافة والذب عنهم وعن باطلهم. فهم من عاقل منصف. يقول محمد بن هادي المدخلي. Et cet illuminé de جماعة التبليغ qui est Hassan Ahmed المدني, ce Diobandi, il dit, quant à nos mashayikh, aux nobles mashayikh, donner les autorisations à leurs disciples de lire Dalaïl Khairat, le livre de l'innovation et de l'associationnisme et des histoires à dormir debout. Et il leur ordonne de lire beaucoup Dalaïl Khairat. Comme ça, ils ne peuvent pas lire le livre du Hadith, ils ne peuvent pas lire le livre d'Allah Azza wa Jal. Et il leur donne aussi de faire beaucoup la prière sur le prophète alayhi salam. Et il dit, et Cheikh Al-Kankouhi, ainsi que Nanaou Tawi, hein, lisez Dalaïl Khairat. Ce sont leurs grands mashayikhs. Qu'est-ce qu'il en est des petits? Quand les grands mashayikhs lisent Dalaïl Khairat, qu'est-ce que tu veux encore? Comme ils autorisaient, ils donnaient les autorisations à des milliers de personnes, ils ont donné les autorisations pour les lire. Et ceci est rapporté du livre Ash-Shihab al-Thaqib, la page 66, par l'intermédiaire du livre d'Yel Diubondia. Diubondia, c'est une thèse qui a été sur l'aqida des hommes de science de Diubondi sur cette secte. Qui a été soutenu à la ville du prophète alayhi salam par un Afghan. Regardez cet égarement clair, dit Cheikh Mohammed Nadi al-Madkhali, dans le fait de combattre les gens de l'associationnisme, de les gens du monothéisme. Et regardez comment il a traité le Wahhabia, il les a traités comme quoi ils sont des impurs. Et regardez comment il s'allie aux gens de l'associationnisme et aux gens aux histoires à dormir debout. Et comment il les défend? Il défend leur faux. Est-ce que Cheikh Mohammed Ibn Hadi al-Madkhali nous dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est doué de raison? Ah. Est-ce qu'il y a d'où ils sont doués de raison? Où sont ceux qui sont équitables et qui sont doués de raison? Wa yaqulu Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala, qultu wal qasidatan fi madhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. وقد أسرف صاحبهما في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ النجمي مدير ces poèmes qui sont le Bourda et l'Hamziya font les éloges au prophète عليه الصلاة والسلام. Mais celui qui les a écrits a dépassé ses limites. Il a été aux extrêmes dans les éloges qu'il a fait au prophète alayhi salatu salam et le rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'agrée pas ce qu'il a dit dans ses poèmes, tel point qu'il a mis à pied d'égalité qu'Allah azza wa jal. قال الشيخ تويجري رحمه الله واهم كتاب عند التبليغين كتاب تبليغ النصاب الذي ألفه احد رؤسائهم المسمى زكريا الكندهلوي ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين وقد جعل التبليغيون هذا الكتاب عمدة ومرجعا لهم أي الهنود وغيرهم من الأعاجم التابعين لهم وفيه من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير وهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة وقد اتخذه التبليغيون مرجعا لنشر بدعهم وضلالاتهم وترويجها وتزيينها للهمج الرعاة الذين هم أضل سبيلا من الأنعام. ومما زينوه لهم إيجاب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج, واستدلوا على ذلك بأحاديث موضوعة. Et toujours ce que nous rapporte Cheikh Najmi Rahimahullah Ta'ala du Cheikh Toujri, dit Cheikh Toujri a dit, et le plus important des livres chez Tablighiyin, c'est le livre Tablighiyin Sab. Il l'appelle en français, ils l'ont traduit en français, les enseignements de l'islam. Il a été écrit par l'une des grandes têtes de Jama'at Tabligh, qui est Mohamed Zakaria Al-Kandahlawi. Et il s'occupe beaucoup de ce livre, il lui donne une importance, il le vénère, il lui donne une importance comme les gens de la Sunna donnent l'importance à Sahih Al-Bukhari et Sahih Muslim. Et Tablighiyun ont fait que ce livre, c'est une base, c'est un fondement et c'est une source pour les hindous et pour les autres ajam, les autres non-arabes qui les suivent. Et ils ont dans ce livre de l'associationnisme, des innovations, des histoires à dormir debout, des hadiths inventés sur le prophète alayhi salam et beaucoup de hadiths faibles. Et en réalité, dit Cheikh Toujri rahimahullah ta'ala, ce livre est un mal, est un égarement, est une perturbation. Et Tablighiyun ont pris ce mal et cet égarement comme source pour propager leurs innovations et leurs égarements, et pour la propager et l'embellir au commun du musulman, qui sont plus égarés que les bêtes. Et parmi les choses qu'ils leur ont fait, qu'ils leur ont embelli, c'est qu'ils leur ont rendu obligatoire le fait de visiter la tombe du prophète alayhi salam après le hajj. Ils ont pris comme preuve pour cela des hadiths inventés. Des hadiths inventés. وذكر عن الأستاذ سيف الرحمن أنه ذكر في كتابه المسمى نظرة عابرة اعتبارية عن الجماعة التبليغية أن كبار أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور. وذكر أنهم يقرون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا حياة برزغية كعادة القبوريين. Et Cheikh Toujri de rapporter aussi du professeur Saif al-Rahman, qui est un hindou et qui a écrit un livre qui s'appelle Nadra Abira Atibariya sur Jama'at Tabligh. Il le connaît très bien. Il dit qu'il est grand parmi Jama'at Tabligh. Hein, se recueillent à côté des tombes et ils attendent le dévoilement et les choses surnaturelles et le jaillissement spirituel de la tombe, des gens de la tombe. Ils attendent que ceux qui sont dans la tombe jaillissent sur eux un jaillissement spirituel et qu'ils puissent, et que les situations leur soient dévoilées et qu'ils voient des choses surnaturelles, le karamat. Et ils rapportent aussi qu'ils confirment, qu'ils voient, en ce qui concerne la vie du prophète alayhi salam, et la vie de ce qu'ils appellent awliya, qu'ils ont une vie qui ressemble à notre vie, non pas une vie dans le barzakh. Le barzakh qui est le monde intermédiaire entre ce bas monde et le delà. Bahouma non, ils disent pas qu'ils ont une vie dans le barzakh, ils ont une vie ici, comme nous. Et ça c'est l'habitude des Quburiyin, des adorateurs des tombes. Ainsi ils croient, ainsi leur croyance. وذكر عنه أيضا في كتابه الذي تقدم ذكره أن من الشركيات الرائجة عند التبليغيين تعليق التمائم والحروز والحجب التي تشتمل على الطلاسم والأسماء الغريبة والمربعات والأرقام والرموز المبهمة التي لا تخلو من الالتجاء لغير الله والاستعادة به. Et dans le même livre de Saif al-Rahman, il a cité aussi dans son livre certains associationnismes qui est monnaie courante, certains actes de l'associationnisme qui est monnaie courante chez Tablighiyin, comme le fait d'accrocher les amulettes. Et ces amulettes et ces talismans dans lesquels il y a des noms bizarres, il y a des carrés, il y a des chiffres, il y a des symboles qui ne sont pas connus, qui ne sont pas déchiffrables, dans lesquels il y a le fait d'aller chercher protection auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Et je vous ai parlé la dernière fois au début de ce que mon beau-père a vu dans une assise dans le centre à Rewand là-bas en Inde, Au moment où ils servaient le repas, qu'il y avait celui qui leur servit, il avait une amulette au bras. Ils voulaient lui parler, mais un de leurs hommes de science, comme il me l'a conté mon beau-père, il lui a dit non, laisse-le, quand il comprendra, il l'enlèvera. Regardez, Akhal Islam. Quand il comprendra, il va comprendre quand. Si tu lui fais pas comprendre, c'est toi, l'homme de science de Jama'at Tabligh, tu lui fais pas comprendre. De qui il va l'apprendre? Quand est-ce qu'il va le comprendre? Voyez que, si, il n'aime pas blâmer le mal, il ne laisse pas ceux qui veulent le faire non plus. وذكر عنه أيضا أنه ذكر في كتابه المذكور أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر وتعليل ذلك بأنه يورث العناد للإصلاح وذكر لهم أيضا أصولا كثيرة ابتدعوها وشدوا بها عن المسلمين وكلها من أصول الغي والضلال ولا يخفى ما في أصولهم المذكورة هاهنا من المعارضة للكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقد دلت الآية على الأولى على أن الاستمساك بالعروة الوثقى له شرطان لا بد منهما، أحدهما الكفر بالطاغوت والثاني الإيمان بالله. Donc il a cité aussi dans son livre ce qu'a rapporté Cheikh Twijri du livre de Saif al-Rahman, aussi dans son livre qui est cité auparavant, fait partie de leur fondement le fait de mettre de côté et de ne pas les utiliser tous les textes du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam qui concerne le fait de m'y croire en tarot et qui concerne aussi le fait d'interdire le mal. Et ils disent parce que cela, le fait de parler et de parler du fait de m'y croire en tarot et le fait de blâmer le mal, celui va faire irriter chez les gens, va faire hériter chez les gens et naître chez les gens la haine et non pas la réforme. Et il a cité aussi beaucoup de leurs fondements qu'ils ont innovés. Et avec ces fondements, ils sont devenus marginaux par rapport à la communauté de l'islam. Et tous ces fondements, c'est de l'égarement et c'est le fait de dépasser ses limites. Et tout un chacun qui est doué de raison, il sait que ces fondements qui sont cités ici sont en contradiction avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Il est dit dans le verset, celui qui me croit en tarot et qui croit en Allah, il s'est attaché à la once solide, il s'est cramponné à la once solide. Il est dit dans l'autre verset, vous êtes la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et donc, le premier verset te montre qu'il est, que fait partie de la once solide, le fait de se cramponner à la honte solide, à deux conditions. Mais croire en ta route et croire en Allah Azza wa Jal. فَمَنْ أَتَى بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِمَا أَوْ تَرَكَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي الْإِسْتِمْسَاكِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et celui qui ramène ces deux conditions, il s'est cramponné à la honte solide. Et celui qui ne ramène pas ces deux conditions, ou a laissé une de ces deux conditions, ben il a aucune part dans le fait de se cramponner à la once solide. والعروة الوثقى هي الإيمان وقيل الإسلام وقيل لا إله إلا الله وقيل الحب في الله والبغض في الله وكل هذه المعاني صحيحة. العروة الوثقى, on a dit c'est la foi, on a dit aussi c'est l'islam, on a dit aussi c'est la ilaha illallah, on a dit aussi c'est le fait d'aimer en Allah et de détester pour Allah et tout. Ces expressions sont valides, ils sont correctes, ils vont dans le même sens. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وكل هذه الأقوال صحيحة لا تنافي بينها. Ibn Kathir rahmatullah alayh, dans son exégète, il dit toutes ces paroles sont véridiques, ils sont avenantes, il n'y a aucune contradiction entre ces paroles. وإذا عرفنا الأصول الثلاثة التي تقدم ذكرها من أصول التبليغيين وإذا عرضناها عرفنا الأصول الثلاثة التي تقدم ذكرها من أصول التبليغيين على نص الآية الكريمة التي تقدم ذكرها، تبين لنا أنه لا حظ لهم في الاستمساك بالعروة الوثقى، لأنهم قد تركوا شرطا من شروط الاستمساك بها وهو الكفر بالطاغوت. ومن ليس لهم حظ من الاستمساك بالعروة الوثقى فلا خير فيهم ولا في مرافقتهم ولا الخروج معهم. الشيخ النجمي دو نودير ها يكونتون On connaît ces trois fondements d'El Tbliriyin, qu'on les met en face du verset qui vient d'être cité, on voit qu'ils n'ont aucune part dans le fait de se cramponner à la once solide. Ils ont délaissé une des conditions, qui est le fait de me croire en tarot. Donc, ils n'ont aucune part dans le fait de se cramponner à la once solide. Donc, il n'y a aucun bien en eux, il n'y a aucun bien à être en leur compagnie, il n'y a aucun bien à sortir avec eux. ويقول رحمه الله ثم إن التبليغيين لم يقتصروا على ترك التصريح بالكفر بالطاغوت بل ضموا إلى ذلك ما هو شر منه وهو التجنب بشدة والمنع بعنف من التصريح بالكفر بالطاغوت وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بسبب الكفر بالطاغوت وهذا من زيادة ارتكاسهم في الغي والضلال عافانا الله وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. Donc, et Tbliriyin, ils ne se sont pas arrêtés tout simplement au fait de ne pas déclarer le fait de me croire en tarot. Ben, ils ont réuni à tout ça quelque chose d'encore pire. C'est d'éviter avec force et d'interdire avec force et avec clarté le fait de me croire en tarot. Et en agissant ainsi, ils mettent de côté les textes. La parole d'Allah, Zawajal, l'authentique de la sunna du prophète, qui décrète le fait de me croire en tarot. Et ça, c'est un plus dans leur déviation, frère en Allah, Zawajal. Hein? C'est un plus qui te montre leur égarement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos frères en Islam des choses avec lesquelles sont éprouvés les grands de cette jama'a d'Al Tbligh. En France, et un petit peu en Europe partout, ils ne disent pas, ils n'utilisent pas le terme le kuffar. Ils utilisent l'riar, c'est-à-dire les autres, l'riar. Même le nom d'El Kofar, ils n'osent pas le dire, ils disent l'riar. وَمَّا تَرْكُهُمْ التصريح بالنهي عن المنكر وتجنبهم ذلك بشدة ومنعهم منه بعنف وتعطيلهم لجميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بسبب النهي عن المنكر فهو من أوضح الأدلة على زيغهم وفساد معتقدهم وسلوكهم طريق الغي والضلال الذي ذكره الله عز وجل عن العصاة من بني إسرائيل وذمهم على ذلك ولعنهم فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Et le fait de ne pas interdire le mal, de ne pas le blâmer, et le fait d'éviter de le faire, et le fait de mettre de côté tous les textes qui nous vient de la parole d'Allah, Zawajal, de l'authentique de la sunna du prophète, qui nous ordonne le fait de blâmer le mal, de l'interdire, ceci te prouve clairement qu'ils sont dans une déviation, qu'ils ont du faux dans leurs croyances, et que leur voie est une voie de l'égarement. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ces désobéissants parmi Banu Israël, et que Allah subhanahu wa ta'ala les blâme, et il les a maudits. Pourquoi? Il est dit dans le verset, Allah, Le'ina, ils ont été maudits ceux qui ont mécru de Banu Israël, hein, par la voix de Daoud alayhi salam et Isa ibn Maryam, parce qu'ils ont désobéi et ils ont dépassé leurs limites et ils ne s'interdisaient pas le mal et le blâmable quand ils le faisaient. Et malheur à ce qu'ils faisaient. Pourquoi ils ont été maudits? Ils ont dépassé les limites, ils ont désobéi, ils ont dépassé les limites et ils s'interdisaient pas le blâmable. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا لا، والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. هذا لفظ الإمام أحمد والترمذي، ولفظ أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما صنعوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. زاد في رواية: أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. الإمام أحمد فخيرنا الله عز وجل ainsi qu'Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, nous rapportent d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Banu Israël sont tombés dans les péchés, leurs savants leur ont interdit, les ont blâmés, ils leur ont interdit, mais ils ne se sont pas abstenus, et les savants sont restés avec eux, et ils restaient dans leurs assises, ils mangeaient avec eux, ils restaient avec eux, à boire avec eux, à faire tout avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala a frappé leur cœur, a frappé leur cœur les uns contre les autres. Il les a mis les uns contre les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits par la voix de Daoud et de Isa ibn Maryam. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi et ils ont dépassé leurs limites. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, il était adossé, il s'est levé, il s'est assis. Il a dit: non, par celui qui tient mon âme entre ses mains, vous allez les remettre sur la vérité. Vous allez les orienter vers la vérité. Vous allez les orienter d'une grande orientation vers la vérité. Ça, c'est l'expression de l'imam Ahmed et de Tirmidhi. Quant à l'expression d'Abu Daoud, rahimahullah, il a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose qui est rentrée, la première diminution qui est apparue chez Banu Israël, c'est quand un homme rencontrait un homme, il lui dit au départ: préserve les droits d'Allah Azza wa Jal, crains Allah Azza wa Jal, laisse ce que tu es en train de faire, il ne t'est pas permis de le faire. Et le lendemain, il le rencontre, ben il ne lui interdit pas. Il devient son compagnon, il mange avec, il boit avec, il s'assoit avec, il va avec. Et quand ils ont agi ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a frappé leur cœur, les uns contre les autres, c'est-à-dire, il les a divergés entre eux. Et il a dit: ont été maudits ceux qui ont mécru. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, a cité ce verset du Coran: ils ont été maudits ceux qui ont mécru par Banu Israël, par la voix de Daoud et de Isa ibn Maryam, jusqu'à la fin du verset où il est dit: fasiqoun, les pervers. Et il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, par Allah, vous allez ordonner le bien, et vous allez blâmer le mal, et vous allez orienter et prendre par la main l'injuste, et l'orienter vers le bien comme il se doit. Et vous allez le limiter à faire le bien. Et il a rajouté dans une autre version: Allah subhanahu wa ta'ala va frapper vos cœurs, va frapper vos corps les uns contre les autres. C'est-à-dire, il va diverger, hein? Il va faire que vous soyez en divergence entre vous. Et après, il va vous maudire comme il les a maudits. فنسأل سبحانه وتعالى السلامة والعافية. سأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهذا من أبلغ رد على التبليغيين الذين لا يبالون بالنهي عن المنكر ولا يعدونه من واجبات الإسلام، وقد زادوا على ما ذكره الله عن بني إسرائيل بزيادات من الغي والضلال، وهي تجنبهم الصراحة في النهي عن المنكر بشدة، ومنعهم من ذلك بعنف، وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر. وهذا أوضح دليل على مخالفتهم لطريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى من القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ كما نقله عنه الشيخ النجمي رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته. Et ça, dit Cheikh Touaziri, c'est clair pour refuter At-Tablighiyoun et pour les rappeler comme quoi ils ne s'occupent pas à blâmer le mal. Ils ne considèrent pas que le fait de blâmer le mal, c'est une des obligations de l'islam. Mais ils ont rajouté autre chose que ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit de Banu Israël. Ils ont rajouté autre chose à cet égarement. C'est qu'ils évitent clairement le fait de blâmer le mal. Et ils interdisent clairement à leurs disciples de le faire. Et ainsi, ils mettent de côté les textes. La parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, qui vont dans le sens du fait de blâmer le mal. Et ça se prouve clairement qu'ils sont en divergence avec la voie des prophètes alayhi salatu wassalam. Yaqul al-Sheikh Abu Malik al-Juhani, al-maqsoud, anna at-tablighiyin ma yanhawna 'an ash-shirk wa 'an al-khurafat wa 'an al-bid'a wa ma yuhaddiluna an-nas 'anha, bal hum gharikuna fi al-bid'a. Bal hum غارقون في البدع وفي الخرافات وتسمعون كثيرا سمعتم كثيرا أنتم الخرافات هنا في فرنسا من هؤلاء ها انظرهم وهم يخرجون إلى الجولة يقفون الدعاء الجماعي أمام باب المسجد فاسمعوا ما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عندما سئل ما حكم الدعاء الجماعي عند بيانهم وعند الخروج من المسجد للذهاب إلى الجولة يقول رحمه الله الدعاء الجماعي سواء كان عند النصيحة أو الخروج من المسجد أو عند الذهاب إلى الدعوة ليس له أصل وهو نوع من البدعة فهل من منتصح؟ يا من تقولون أن الشيخ العثيمين يزكيكم فاعملوا بنصيحتي وبفتوى وهادي واتركوا ما أنتم عليه من البدع. دونك يكوت فخيرنا الله عز وجل سكو دي الشيخ Abu Malik, il dit, Tiblirien ne blâme pas l'associationnisme. Tiblirien ne blâme pas les histoires à dormir debout. Par contre, il les encourage. Et vous, ici en France, vous connaissez des histoires à dormir debout de Tiblirien. Et la baleine qui rejette les passeports qui sont tombés dans l'eau. Et le, comment dirais-je, Hada, dont, le gorille qui lève les mains. Quand une jama'a d'Yel Tiblir s'est perdue dans la jungle, il faisait dua pour être sauvé, et tout d'un coup, soi-disant, le gorille aussi faisait lever les mains avec eux pour le, et il les a guidés pour le sortir de là. Subhanallah. Depuis quand un gorille, il va vous déchecter, oui. Galé, il va vous faire dua. Et vous connaissez. Wallah, une fois, j'étais en train, chez les frères de Rennes, dans un séminaire, on dormait tous dans la même salle, et, tout d'un coup, il y a un frère, il nous a éclaté de rire, il devait être minuit et demi ou là une heure du matin. Il a dit qu'un dit Tiblighi qui est venu d'un khourouj, lui a dit que même la mouche va se repentir, il va se laver, il va faire le dos avec Zemzememka lors du pèlerinage. Est-ce qu'on peut gober ce genre d'histoire, Akhal Islam? Wallah, on n'a pas pu dormir cette nuit-là. On a entendu cette histoire, ça y est, c'est parti. Comment on peut gober? Comment on peut raconter des énormités pareilles? Subhanallah. Donc, comme il dit Cheikh Huna Abu Malik, ils n'avertissent pas contre l'associationnisme, ni ils n'avertissent contre les histoires à dormir debout, ni contre le bid'a. Mais eux, moi, ils sont plongés dans les innovations. Comment ils vont avertir contre le bid'a? Regarde-les quand ils sortent, quand ils terminent un bayan dans la mosquée. Quand ils sortent, ils se mettent debout tous devant la mosquée pour faire un dua en groupe. Et voici maintenant, je te fais écouter la fatwa de celui qu'ils prétendent, Huma, qu'il leur a fait des éloges, et qu'il dit que c'est que leur jama'a est bien. Ben, écoutez ce qu'il veut, il dit de votre dua devant la mosquée. On lui a posé la question, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce que vous dites du dua en groupe, après le bayan? Et c'est quoi le dua en groupe après le bayan, au moment de sortir de la mosquée pour aller faire le tour dans le village pour dawa? Il a dit, le dua en groupe, que ce soit après le conseil, ou après la sortie de la mosquée, ou au moment d'aller vers dawa, n'a aucune origine. C'est une innovation. Si vous dites que Cheikh Al-Uthaymeen vous a fait des éloges, prenez son conseil. Laissez les innovations qu'il vous a ordonnées. Comme il vous a dit aussi qu'il faut laisser de côté les sisifat et mettez en application, prenez à leur place le hadith du Jibril. Faites, pourquoi vous ne le faites pas? seulement vous prétendez. ويتركون كذلك في مساجدهم دينامو في المسجد. وذكرت لك كيف عارض أحد أمرائهم جميل زينو وقتها كان خارجا معهم في إنكار على المدخن ورائحة البصل وما في المساجد ينامون ويطبخون فيها. فهذه جماعة خرافية لا تفقه الناس في الدين وإنما تغرقهم في القصص والخرافات وسأذكر لك بعضها. دونك ils sortent pour le jaula et regardez cette énorme innovation. Ils laissent quelqu'un qu'ils appellent le dynamo dans la mosquée pour donner la lumière à ceux qui sont partis pour appeler les gens à la mosquée. Hada, il doit rester à l'invocation. Si Hada, il fait bien les invocations, ils disent que Dawa va bien marcher. Si Hada, il va laver son linge, là, ils s'endort, et si au moins il se ramasse, bah, ils vont revenir, ils vont dire que le dynamo a dormi. Hein? Et je t'ai raconté aussi ce qui est arrivé à Cheikh Jamil Zinou. Quand il est arrivé au passage, qu'il pouvait venir avec l'odeur de l'oignon et du poireau et de l'ail vers la mosquée. Et il a parlé directement de la cigarette. Et l'émir avec lequel, à cette époque-là, Cheikh Jamil Zinou est sorti avec eux. Et l'émir l'a blâmé après. Il a dit, il ne faut pas parler comme ça. Et quand ils dorment dans les mosquées, ils font de la cuisine dans les mosquées et ça schlingue l'oignon quand il rentre. Et une fois, quand Hada Younes Mentounes est venu me voir dans la mosquée à Douchy au nord de la France, je lui dis pour ça, je lui dis quand, moi je suis venu dans votre centre et j'ai senti l'odeur de l'oignon. Il m'a dit, n'exagère pas, juste un petit peu d'oignon. Je lui dis, un petit, grand petit, de toute façon dans la salle de prière, la salle principale qu'ils ont, juste à côté sur la droite quand tu rentres, il y a les escaliers, il y a un trou qui donne à la cave, qui donne directement à la cuisine. Et dans le lieu, ça schlingue l'oignon à force. Et lui, il me dit, juste une petite odeur. Alors que le prophète, alayhi salatu wasalam, interdit le fait de venir de quelqu'un quand il sent l'odeur de l'oignon. Hein? Il ne vient pas à la mosquée. Hada, il cuise l'oignon dans la mosquée. Il l'épluche dans la mosquée. Et là où ils dorment, dans les mosquées, ils font la cuisine. Et souvent, quand tu y arrives, la première chose qui t'accueille, c'est l'odeur de l'oignon. Donc ce groupe, c'est un groupe d'Al Khurafat, d'Al les histoires à dormir debout et de l'innovation. Et ils ne font pas apprendre la religion d'Allah Azza wa Jalla aux gens. C'est hier, en revenant d'un cours qu'on a donné dans la région de Nice, à Valoris, un jeune, il m'a dit, il y a 2 ans, je me suis orienté vers la mosquée et je suis tombé dans les mains d'Al Jama'at Tibligh. Lui, il raconte, Mskine, il est nia. Il m'a dit, la première chose qu'ils m'ont fait, ils m'ont fait sortir à Antibes 3 jours. Je comprenais rien. Je savais pas ce qui se passe. Et il m'a dit, j'avais une feuille dans laquelle j'avais marqué ce qu'il faut faire pour Salat al-Fajr en français, ce qu'il faut faire pour Dohr et tout ça en français, etc. Il m'a dit, l'émir, qui est un des imams dans la religion, il est venu, il m'a dit, chérie la feuille, il m'a dit, ça c'est l'acte del shaitan. Subhanallah. Le jeune, il essaye d'avoir un support pour apprendre. Toi, tu viens, tu lui déchires et tu lui dis ça chez l'acte de Shaitan. Qu'est-ce qu'il veut? Quand est-ce qu'il va apprendre sa religion? Hada, il fait un effort. Et ce jeune, il m'a dit depuis, j'étais choqué et je suis retourné dans l'Ahwal et je leur attribue le fait d'être retourné dans l'Ahwal. Il dit, Alhamdulillah, maintenant j'ai commencé à reprendre le chemin de la mosquée et je reste avec les jeunes frères salafis. Au moins, j'apprends quelque chose avec eux. Donc, cette jama'a engloutit les gens dans les histoires à dormir debout. Hein? Hein? Combien d'histoires vous avez entendues? Énormes histoires. Subhanallah. Hein? Des fois, ils disent que leur grand émir, il arrive et on ne les laisse pas rentrer dans un pays. Après, il va, il fait dorkat, après il revient, au lieu de donner les passeports, il donne Riyad Salihin, et le douanier, il les laisse partir. Vous gouvernez Thomas Had Shihada? Vous arrivez à comprendre quelque chose? Subhanallah. Depuis quand? Qu'est-ce que ça veut dire? De qui on se fout? Hein? De qui on se fout? Hein? Dit que, Allah al-Musta'an, que le chien, celui qui sort, il y a un chien qui vient, qui se pose devant sa maison. Il y a plein d'histoires qu'ils ont inventées juste pour les vieux Marocains quand ils ont commencé à ramener leur famille dans les années 80 dans le nord de la France. Des histoires à dormir debout. Certains même mentent. Ils disent, oh, si t'arrivais à moi, Allah al-Musta'an. Hein? Mais ce qu'on sait comme réelle histoire, cet homme qui est sorti avec sa femme, qui a laissé sa fille avec son fils à la maison, et après il y a eu cet enfant qui est né de cet acte adultère et de cet inceste qu'il y a eu entre eux, hein, entre ce jeune et sa sœur, hein. فهذه الجماعة إخوة الإسلام لا خير فيها كما قال العلم ولو أنهم يزعمون أنهم هم السبب في المساجد فماذا ينشر في هذه المساجد البدع والخرافات وكره أهل العلم وسب العلماء أنا سمعت من إمام من أئمتهم ومن كبرائهم هذا يسمونه الريشي حافظ لكتاب الله ويقرأ جيدا وحفظ كتاب الله لكثير يقول عن الألباني أنه حمار أعوذ بالله ومن جهالهم سمعته بيدنا يقول لو سمع بعض إخواننا هذا أنه لو خرج أبو بكر وقال لهذا العمل لا خير فيه قال لن أتركه وبعض مسؤولين بعض المساجد في شمال فرنسا قال لو وجدت هذا الألباني رحمه الله لا أغلقت عليه في لكاف ديال الموسكي أعوذ بالله. Donc ce groupe, il n'y a aucun bien dans ce groupe. Comme ils ont dit les hommes de science. Et même s'ils prétendent que c'est eux la cause des mosquées, qu'est-ce qu'ils ont propagé dans ces mosquées? Regardez les mosquées. Des innovations, des histoires à dormir d'où vous. Hein? Et même, des fois, certains de leurs imams, et hein, je l'ai entendu de mes propres oreilles, hein, lors de la préparation d'un ijtima au nord de la France, dans la région de Maubeuge. Il s'appelle Hada Rishi. C'est un grand imam. Il a une belle lecture. Il a appris le Coran à beaucoup d'enfants. Il a appris le Coran à certains enfants. Et il a dit, c'est un d'yel l'Albani. A'oudou billah. Il n'arrive pas à la cheville d'yel l'Albani. Ni à la poussière qui tombe du pied d'yel l'Albani. Il dit, c'est un d'yel l'Albani. A'oudou billah. Hein? Et pourquoi? Parce que l'Albani a dit que ça, jamais à t'blir, c'est une voie soufie et c'est une voie du soufisme moderne. Tout simplement. Un parmi leurs innovateurs a dit, si j'attrape l'Albani, je vais l'emprisonner dans la cave de la mosquée. Un autre dira à un de nos frères, si même Abou Bakr se réveille de sa tombe et il me dit que ce travail n'est pas bon, ben je vais pas le laisser. Aoudou billah. Regardez ce sectarisme. Comment ils sont aveuglés? Comment ils éduquent leurs disciples? إيه وفي الأول كانوا يظهرون أنهم لا حاجة لهم بإدارة المساجد ولكن شيئا فشيئا بدأوا يدفعون ها أحدهم أو من يثقون به إلى إدارة المساجد فهذا رأيناه بأعيننا وعايشناه ورأينا منهم أخزى من هذه الأمور والحاصل عندما يدخل الأعاجم معهم والهنود خاصة وهم صوفية خرافية يبقون على خرافاتهم وتصوفهم دونك au départ. Dans la fin des années 80, début des années 90, ils disent qu'ils n'ont pas besoin. Ouais, il ne faut pas s'occuper de l'administration du mosquée. Il faut la laisser. Il faut être en dehors de ça, etc. Mais petit à petit, on les voit, doucement, pas en souterrain, ils commencent à pousser les leurs, à prendre les rênes des mosquées. Ou ils mettent à la tête des mosquées des gens dans lesquels ils ont confiance. Et nous avons vu d'eux pire que ça. Aller dénoncer des frères Salafi, et à les dénoncer et dire d'eux ce qu'ils ne font pas aux autorités. A'oudou billah. Et en conclusion, c'est tout un non-arabe qui rentre parmi les hindous en particulier et les autres qui rentrent avec eux et qui les soufis, khurafi, il va restera soufi ou khurafi toute sa vie. S'il est dans l'associationnisme, il va rester dans l'associationnisme toute sa vie. هذا مشاهد عليهم في جماعة التبليغ في الهنود والباكستانيين والأفغان يتركونهم على ما هم عليه لكي يبقوا معهم. يتركونهم il les laisse. هذا il est vu chez eux. Il laisse les Afghans, les Pakistanais, les Bengalais et tous ces Ajam, il les laisse dans l'associationnisme, il les laisse dans l'adoration des tombes, il les laisse dans l'innovation pour qu'ils restent avec eux et pour qu'ils sortent avec eux partout. Fa soufi, إذا صار تبليغيا فإنه لا يتحول إلى السنة أبدا، يبقى صوفيا، لأن هذه الجماعة ما تنقله إلى السنة، ما تعلمه التوحيد وما تحذره من الشرك والخرافات، وإنما ينخرط معهم في هذا البرنامج الذي أسس لهم الكندهلوي، يخرج معهم 3 أيام في الشهر و40 يوما في السنة و4 أيام إلى الهند والباكستان في العمر، ولكي يتم له غسل دماغه بعد أن يكون خرج قبل ذلك في بلده 3 مرات أو أكثر 40 يوما أو على الأقل 2 مرات 40 يوما، ويقوم بالأعمال كل أسبوع، جولة مقامية، جولة انتقالية، 2.5 ساعة للخدمة في المسجد. متى سيتعلم العلم؟ متى سيعكف على السنة؟ متى سيهتم بأهله وأولاده؟ Donc, quand le Sophie rentre avec Tbligh, il va rester sauvé jusqu'à la fin de sa vie. Parce que Jamaat Tbligh ne va pas le transformer, il ne va pas le ramener vers la sunna. Il va rester sauvé. Parce que ils vont pas lui apprendre le monothéisme. Ils vont pas l'avertir contre l'associationnisme et les histoires à dormir debout. Il ne me dit pas ici, tu l'entends. Ne me dis pas les cas marginaux. Moi, je te parle de ce qui est gros. La fondation, le gros lot de Jamaat Tbligh qui est l'Inde, le Pakistan, etc. Sur ça que c'est basé. Et même ici, même si certains disent, et disent, ah, ben, il y a, depuis quelques années, on commence à savoir ce que c'est que la ilaha illallah, les 3 formes du monothéisme. Ça, ce n'est que de la poussière qu'ils jettent dans les yeux. Depuis que, hein, les salafis les attaquent, et depuis que la da'wah salafia commence à prendre, hein, à gagner du terrain en Europe, ben ils ont commencé à s'orienter vers ça. Et d'où ils l'apprennent? Sinon des livres des salafis. Ben, si Jama'a, il n'y a aucun bien dedans. Hein? Ils n'avertissent pas contre l'associationnisme. Et tout un chacun qui va rentrer avec eux, il va adhérer au programme que leur a fondé le Kandahlaoui. Il va sortir 3 jours par mois, 40 jours par an, 4 mois en Inde au moins et au Pakistan au moins une fois dans sa vie pour lui faire un lavage de cerveau. Et ceci, il va le faire une fois qu'il aura sorti 40 jours dans son pays ou là dans le continent où il est, qu'il ait fait ça 40 jours au moins une fois ou 2 fois, sinon 3 fois c'est le mieux pour eux. Et durant le mois, chaque fois par semaine, il doit faire la tournée, hein, sur place dans son village. Et en même temps une autre tournée dans un autre village qu'il aurait décrété par le centre de la région. Et tous les jours il doit donner 2 jours et demi pour la mosquée. Ben maintenant, par Allah, quand est-ce qu'il va s'occuper de sa famille? Quand est-ce qu'il va s'occuper d'apprendre sa religion et l'enseigner à sa religion? فاسمع الآن كيف حتى النساء أدخلوهن في هذه البدع يقولون في الهداية للنساء إذا جعلت حلقة العلم في البيت أضعت 40 بيتا حولك. Dans ces cas-là, ils disent aux femmes, si tu crées l'enseignement de la science dans ta maison, et que tu reçois les jama'at, et que tu crées les jama'at de femmes, et tu crées un enseignement dans ta maison, bah tu vas illuminer 40 maisons à côté de toi. Dans ces cas-là, c'est EDF qui va faire faillite. Il va leur faire un procès dans ces cas-là. Bah, qu'on essaye, hein, qu'ils essayent ce que khurafat à dormir debout, hein. Et ils disent à la femme aussi dans ces hidayat, إذا تركت رجل يخرج ويشتغل بالعمل المقامي أرسل الله لك ملكين يحرسونك أنت وأولادك. Ils disent aux femmes aussi quand ils font les réunions de femmes, hein, ils disent, si tu laisses ton mari sortir et faire les travaux locaux qu'il doit faire dans sa région, dans sa ville, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'envoyer 2 anges pour te garder. Allahu Akbar. Hein? وقال بعضهم في هذه الأيام الله يريد منا أن نطرق الأبواب. Et un parmi eux a dit, hein, ces jours-ci, dans la région du sud ici, Allah il veut de nous qu'on frappe aux portes, qu'on fasse du porte-à-porte. Comme ça il a dit. Et يقول بعضهم كذلك إن لم تخرج في سبيل الله لا يقبل الله منك لا صلاة ولا صوم ولا حج وقبل أن تحج يجب عليك أن تخرج 40 يوما لكي تتهيأ للحج واعرف من له الآن 20 سنة في التبليغ ولم يحج بعد وذهب إلى الباكستان 10 مرات Il sait que celui qui ne sort pas fi sabilillah, Allah il n'accepte pas de lui ni la prière, ni le jeûne, ni le pèlerinage. Et ils disent même, avant que tu ailles au pèlerinage, il faut que tu sortes 40 jours pour te préparer. En réalité, c'est pas pour te préparer, pour t'avertir contre les hommes de science que tu vas rencontrer là-bas, et contre les assises d'hommes de science qu'il y a là-bas. Et je connais certains qui ont peut-être 20 ans maintenant dans Jamaat Tabligh, ils n'ont pas encore fait le pèlerinage. Ils ont les moyens. Combien de fois ils sont allés en Inde et au Pakistan, que ce soit en groupe de femmes ou là, tout seul. Fallahu al-musta'an. Wa yabqa ma'ahum. فهذا الذي يدخل مع الجماعة يبقى معهم ينتقل من قرية إلى قرية في المساجد وممكن يقوم الليل ويصوم ويقرأ القرآن ولكن هل يتخلص من الخرافات؟ هل يعرف أن يفرق بين البدع؟ وهذه قصة شاب من ليل اسمه عبد القادر وذهب وسكن في إنجلترا وهذا في التسعينات ورجع ورأيته والتقيت به وبقي معهم هناك في المركز في إنجلترا وتزوج هناك فأعطاه أحد المشايخ وردا لكي يأتيه رزقه كل لكي يأتيه رزقه رغدا كما قال له الشيخ أعطاه وردا أسبوعيا يقول له بعد غسلك للجمعة تقول 400 مرة الله الله الله وبهذا لا تخشى على رزقك. فهل تعلم هذا الأخ التوحيد؟ هل درس هذه العقيدة؟ وهذا ورد بدعي، من أين لكم أن تأتوا بالذكر باسم الله منفرد الله الله الله؟ وهذا ذكر من أذكار الصوفية. Et celui qui rentre dans cette jamaa, frère en Allah Azza wa Jal, va errer de village en village, va faire le globe trotteurs. Il y a même certains de nos frères, qui est l'un d'eux, il était à Médine maintenant, c'est un de nos frères salafis. Il y a même, ils ont été aux États-Unis, il m'a dit, on a pris des belles journées, on a été même sur une terrasse à Los Angeles, etc., pour voir un petit peu les studios et tout ça. Hein? Et ce frère, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a comblé, il est là-bas, à Médine. Il vit à Médine maintenant, alhamdulillah. Hein? Donc, la personne, celui qui a vécu, il va sortir de village en village, de ville en ville, de continent en continent. Peut-être même qu'il va accomplir des prières de nuit. Est-ce qu'il va jeûner? Il va lire le Coran. Mais est-ce qu'il va se débarrasser des histoires à dormir debout? Non. Il va se remplir d'histoires à dormir debout. Est-ce qu'il va apprendre sunna? Non. Il va apprendre beaucoup d'innovations. Et je vous conte l'histoire de ce jeune, qui s'appelle Abdel Qadr de Lille, qui est parti, qui vit en Angleterre maintenant, depuis plusieurs années. Et il est venu une fois dans le Nord, vers, je crois, 97 ou un truc comme ça, hein, avant 2000 en tous les cas. Il est venu, et il m'a raconté une histoire. Il est resté là-bas avec Jamaat Tabligh. Il m'a dit qu'un des cheikhs là-bas lui a donné son wird pour qu'il ait sa subsistance, qu'il ait pas peur. Il m'a dit, je travaille pas, mais j'ai ma subsistance. Parce que mon cheikh m'a donné un wird hebdomadaire. Je dis 400 fois, hein, après le lavage d'El Jumu'ah, je dis 400 fois, Allah, Allah, Allah. Maintenant, par Allah, est-ce que ce frère a pris le monothéisme? Est-ce qu'il a étudié l'aqida? C'est quoi ce wird? Et c'est une vocation innovée. D'où vous ramenez la preuve comme quoi il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala juste avec le nom Allah, Allah. C'est une invocation, sauf Yahdi. كذلك العرب إذا دخلوا في هذه الجماعة والغالب على العرب الذين يدخلون في هذه الجماعة هم من العوام فهذا العام العربي إذا دخل في هذه الجماعة يبقى جاهلا ثم يهمل السنة ويهمل التوحيد شيئا فشيئا ويبتعد عن التوحيد وعن أهل التوحيد ويبتعد عن العلماء السلفيين. قال لي مرة أحد إخواننا من طلبة العلم في مكة وهو إمام في ضواحي مكة ويهيئ دكتورته أن بعضهم كان جالسا في مجلس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وعندما أنهى الشيخ درسه قال هذا التبليغي كلام جميل لكن مع الأسف الشيخ لا يخرج في سبيل الله. أعوذ بالله، أين عقولكم يا هؤلاء؟ Donc, et aussi, les Arabes, quand ils rentrent avec eux, en général, ceux qui rentrent dans cette jama'a parmi les Arabes, ce sont les Awam en général, le commun des musulmans. Et ce Ami, quand il rentre avec cette jama'a, bah, il va rester ignorant toute sa vie. Il va ignorer la sunna. Il va négliger le monothéisme petit à petit. Il va s'éloigner des gens du monothéisme. Il va s'éloigner des assises, des hommes de science, d'une du nom. Un de nos frères qui prépare son doctorat là-bas à la Mecque, et qui est imam dans la région de la Mecque, hein, m'a raconté une fois qu'il était dans une assise d'El Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, et tout d'un coup, quand Cheikh Ibn Baz a terminé, hein, son cours, il y a un tibliré à côté qui a dit des belles paroles, mais malheureusement, Cheikh, il ne sort pas, fi sabilillah. أعوذ بالله أعوذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فمع المدة هؤلاء العوام يميلون إلى الصوفية وإلى الهند وإلى صوفية الهند والباكستان. فانظر هؤلاء المغاربة الكبار والجزائريين حولك هنا في فرنسا الذين قضوا 20 سنة أو 30 سنة كيف يجلسون وحركاتهم حركات صوفية وحركاتهم حركات الهنود ويتظاهرون بالدروشة ويطرقون رؤوسهم إلى الأرض ويغلقون عيونهم وما إلى ذلك مما هو من خصائص أهل التصوف. حتى في صلاتهم أصبحوا نسخة مطابقة للهنود والباكستان الأحناف، وهذا رأيناه حتى في شبابهم الذين لهم 10 سنوات أو 10 سنوات في التبليغ. وإذا استمر عرب أوروبا وغيرهم في الجماعة ووثق بهم من طرف شيوخ قريتهم ومركزهم وبلادهم، من السهل أن يوجه ويهيأ للبيعة الصوفية ويصبح صوفيا كبيرا. دونك افيك لو طون سو كومان دي مسلمون devient un sophie et penche vers le sophisme de l'Inde et du Pakistan. Regarde ces Marocains et ces Algériens et ces Tunisiens ici autour de toi en France et en Europe, hein, qui ont passé 20 ans, 30 ans dans ce groupe, comment ils s'assoient maintenant? Leurs actes, chaque façon, chaque mouvement qu'ils font, c'est un mouvement sophie et c'est un mouvement qui est décalqué sur les grands du Pakistan et de l'Inde. Et ils apparaissent avec la tête baissée, on parle doucement, ils jouent à la darwasha, ils se donnent cette darwasha, ils baissent la tête par terre, ils ferment leurs yeux, et tout ça, ce sont des particularités des gens de tasawuf. Même dans leur prière, ils sont devenus une photocopie conforme de la prière d'Yel Ahnaf, Paco, Indo, Pakistanais et Bengalais. Voilà, nous l'avons vu. Même dans leur jeunesse, qui ont 10 ans maintenant dans Tbilir, mais quand l'arabe d'Europe, et d'ailleurs, quand il reste dans cette jama'a, et quand on a confiance en lui, quand il est devenu une serpillière dans la main de ses chouyours, que ce soit les chouyours de sa mosquée, ou là les chouyours, hein, de son centre, c'est plus facile. À ce moment-là, si on a confiance en lui, on va l'orienter petit à petit vers la légende Sophia, et il deviendra un grand Sophia après. فهذه الجماعة أيها الإخوة لا تغتروا بها لا تربي الناس على التوحيد وعلى السنة. وأضرب لكم مثالا، إخواننا الذين أنقذهم الله من هذه الجماعة بعد أن جالوا العالم وهم من متز ونواحي متز، أرادوا تعلم العقيدة الصحيحة والفقه والحديث، فقال لهم مشايخ القرية اعرضوا هذا المشروع على مركز المنطقة في المشورة الأسبوعية. وعندما عرضوه على المنطقة قالوا اعرضوه على المشورة الشهرية في باريس. وعندما عرضوه على المشورة الشهرية في باريس قال لا، نحن لا يمكن أن نفصل في هذا، اعرضوها على مشورة أوروبا، المشورة التي تكون كل 4 أشهر. وعندما عرضوه قال لا، يجب هذا أن يعرض في الاجتماع السنوي في الهند في مركز نظام الدين في نيوبند في ديوبند في ريواند. ها maintenant il faut pas se faire avoir frère en Allah عز وجل par ce groupe. Voici maintenant celui qui est éduqué par eux, il ne sera jamais éduqué sur le monothéisme, ni sur la sunna. Et je vous donne un exemple vivant. Nos frères qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvés de cette jama'a, qui sont nos frères à l'est de la France, dans la région de Metz. Quand ils ont voulu apprendre l'aqida et tawhid et le fiqh, les mashayikhs de leur village leur ont dit, il faut que ça, vous exposez votre projet à la mashwara, à la concertation hebdomadaire. Et on voit ce qu'il faut faire, ce que les mashayikhs vont dire. Ils l'ont exposé à la concertation hebdomadaire, et là-bas on leur a dit non, nous on peut pas trancher, mais il faut l'exposer à la mashwara du 15 jours de la région. Et la mashwara du 15 jours de la région, on dit non, nous aussi on peut pas trancher, il faut l'exposer à la mashwara mensuelle de Paris. Ils sont allés à Paris, et à Paris on leur a dit non, on peut pas trancher non plus, il faut qu'on l'expose pendant la mashwara du 4 mois, la mashwara européenne. Ils l'ont exposé aux 4 mois de l'Europe. Ils ont dit, non, on tranche pas. Il faut ramener tout ce projet vers le Mashaïr pendant la réunion annuelle en Inde, au centre Nizam Din. Regardez. Regardez comment on joue avec eux. Là, il faut aller, c'est sûr. Il faut que cela tranche. Eh, on veut apprendre notre religion. On veut apprendre notre religion. On veut pas jouer. Hein? فانظر كيف المراوغات حتى لا يتعلم الشباب العقيدة الصحيحة، لأن هناك مبدأ لا تخرج عنه إلا جماعة، وهو الاكتفاء بالأصول أو الصفات الست. والحمد لله إخواننا خرجوا، فخرفت جماعة التبليغ في شرق فرنسا كما خرفت في شمالها، ولم يبقى لها إلا كبار السن. والحمد لله إخواننا هذا الذي تعرفونه الآن، سلفي ذولاستيكتا، جل الذين كانوا وراء هذا المشروع فهم من الذين هاجروا هذه الجماعة. وانظروا إلى الخير الذي قدموا لإخوانهم الفرنسيين بعد بهذا الموقع، وكذلك مركزهم مركز الاعتصام. Regardez, frère en Allah, comment ils ont joué avec ces jeunes, une année passée sans rien. Et pourquoi les jeunes, pourquoi tout ceci? Pourquoi les jeunes n'apprennent pas le dogme authentique? Parce qu'il y a des principes dans le groupe. Et dans le jama'a, on est sectaire. Ils sont sectaires à ces principes. Il faut se suffire des six fondements du jama'a. Et le louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, nos frères de maître sont sortis de ce groupe. Et aussi, nos jeunes frères du nord de la France ont quitté ce groupe, ce qui fait que ce groupe est arrivé à son automne, que ce soit à l'est de la France ou au nord de la France. C'est pour ça qu'ils pleurent. Et nos frères, Allah subhanahu wa ta'ala a orienté nos frères dans le bien, nos frères de l'est. Ils ont créé ce que vous connaissez à cette époque, les salafis de l'est. Ils ont créé aussi plus tard leur centre l'Irtisam. Et il y a un grand bien. Regardez combien de nos frères ont connu le Manhaj Salafi par les écrits et les exposés de nos frères des Salafis de l'Est. Et ceux qui étaient dans Jama'at Tabligh auparavant, les jeunes qui étaient actifs dans Jama'at Tabligh, la majorité par d'eux, c'est eux qui sont à l'origine de Salafis de l'Est et de le centre l'Irtisam à Borny, là-bas dans la ZUP de Metz. Akhal Islam. Il faut prendre en considération. Alors, il y a des choses qui sont flagrantes, que nous connaissons ici. Il faut pas être borné, frère en Allah, Azza wa Jal. Il faut pas être sectaire. Il faut regarder la réalité, accepter la réalité, et accepter la critique. فأنتم سمعتم القصة التي ذكرها العلامة التويجري رحمه الله عن الجماعة الذين خرجوا من المدينة إلى الحناكية. جماعة من أهل البلد ومعهم طالب علم أنكر على ذلك الهندي بدعته في الذكر، وهي قوله هو هو هو هو. فماذا كان صنيع الأمير والأمير سعودي؟ أنكر على الطالب إنكاره على الصوفي، واتهمه بأنه وهابي، وتمنى لو أن له من الأمر شيء أن يحرق كتب العقيدة وكتب التوحيد، كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب. ما الذي جعل هذا المدني في هذا المستوى، هذا المستوى الفظيع من معاداة التوحيد وعلماء التوحيد، الذي جعله هو تربيته ونشأته في هذه الجماعة؟ فهذه الجماعة لا تخرج الصوفي من صوفيته، ولا المبتدع من بدعته، ولا الخرافي من خرافاته، ولا تعلم الجاهل. فهذا أخ فرنسي في التسعينات ذهب إلى إمام كان تعلم القرآن وتعلم عندهم، أين؟ لا، هناك في الهند. فذهب إليه هذا الفرنسي وقال له علمني اللغة العربية وأنا أحتاج أن أتعلم اللغة العربية. فقال له أنت لا تحتاج إلى شيء، فقط أنت أخرج، وعندما تحتاج إلى شيء ائتيني اسألني. الله أكبر، تريد أن يبقى مكفيا عليه وأن يبقى دائما عالة عليك. فان الله عز وجل تي او كوتي اوسي سيت استوار كو نوزا سيتي الشيخ النجمي رحمه الله تعالى دو ليفر دو العلامة التويجري رحمه الله. كو سيت جماعة كونت لي سورتي ا ميدين دو ميدين فيغ الحناكية، اي سون بارتي، سو سون دي جون دي زاراب كي سون بارتي دي زاراب كي سون بارتي اي افيك دي زاندو اي افيك ان امير، لو امير دو سو جروب سي ان ساوديان. Et quand il y avait avec eux un demandeur de science, et quand ce demandeur de science a blâmé l'acte qu'a fait le Sophie hindou, ben l'émir du groupe a accusé le demandeur de science d'être wahhabi. Et il a souhaité, s'il avait un pouvoir, il aurait brûlé les livres d'Yal Aqida et les livres d'Yal Tawhid, les livres d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Al-Qayyim, d'Ibn Al-Wahhab. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas donné de ce pouvoir. Qu'est-ce qui a fait que ce Médinois de la ville du prophète alayhi salatu wasalam, dans laquelle il y a un nombre considérable d'hommes de science au mètre carré, qu'est-ce qui a fait qu'il arrive à ce point-là? S'il est arrivé à ce point-là, à avoir la haine du tawhid et la haine des hommes, des savants du tawhid, c'est le fait d'être éduqué par ce groupe. Car ce groupe ne sort pas le sophie de son sophisme, ni l'innovateur de son innovation, ni celui qui vit dans les histoires à dormir debout de ses histoires à dormir debout. Et ce groupe n'enseigne pas à l'ignorant. Et je te conte cette histoire d'un de nos frères français qui était dans le nord, là-bas dans le Pas-de-Calais. Et il y avait un imam qui a étudié chez eux en Inde. Et il était un imam qui lisait bien le Coran dans la mosquée. Et ce jeune français, il a été le voir, il lui a dit, je veux apprendre l'arabe, il faut que tu m'apprennes. Hein? Et cet imam lui a dit comme ça, t'as pas besoin d'apprendre. Va, toi tu sors, fils Abillah, et quand tu as besoin de quelque chose, tu viens me demander. Il veut dire qu'il reste tout le temps que cette personne reste dépendante de lui. Qu'il le traîne comme il veut, qu'il lui fasse couper ce qu'il veut. هكذا اخو الايوان فالجاهل يبقى عندهم جاهلا وهذه الجماعه تدخل في نفوس اتباعها التعصب المقيت وكذلك تدخل في نفوسهم العداء الصارخ للدعوه السلفيه ولعلماء الدعوه السلفيه فاحيانا يظهرونه واحيانا يخفونه ويتسترون وهذا واضح جدا il en est ainsi de ce groupe frère en Allah azza wa jal il éduque ses disciples au sectarisme à ce sectarisme non avenant, à être sectaire au groupe et au principe du groupe. Et il rentre dans les personnes, hein, et il immisce dans l'esprit des personnes la haine de la da'wa salafia, la haine des hommes de science. Et des fois il le montre, des fois il le cache, selon les situations. Mais maintenant il le montre clairement, et ceci est clair chez eux. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala salama wa al-afiyah, fa naqif inda hadha al-had. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله